Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste présentée par Romain Marie sur 94.2 FM Radio Fadjet. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre du photographe international David Ken, qui parraine un concours au magasin MN Photo Vidéo à Essey-lès-Nancy, anciennement Miss Numérique. Mais je vous laisse découvrir cet échange avec ce personnage très sympathique. Et dans la seconde partie, nous aurons aussi sa présentation de l'exposition. Bonne écoute. Voilà. Donc enchanté, Monsieur David Ken. Donc vous êtes le parrain du concours aujourd'hui chez Miss Numérique. MN Photo Vidéo. On ne peut plus dire Miss Numérique. D'accord. On m'a tapé sur les doigts. Ah bon, c'est pour corriger. Je dois dire MN Photo Vidéo. Il faut dire comme ça. Voilà. Alors vous êtes un photographe de talent, reconnu dans la région. Dans la région, non. Plus. Dans la région, c'est la première fois que je viens là. D'accord. C'est votre dimension aujourd'hui de photographe, Monsieur Ken. Le mieux c'est d'aller voir ce que je fais. C'est toujours très gênant de parler de soi, mais j'ai 43 ans de photographie dans la mode, dans la pub, dans les people, avec des gens très connus, etc. Et aujourd'hui je fais surtout de la street photographie. D'accord. Et donc photo de rue, comme on va parler français. Oui. Voilà, et j'organise des masterclass à Paris, mais aussi dans d'autres endroits. D'accord, c'est intéressant ça. Et je suis le créateur d'un projet qui s'appelle le LOL Project, où je fais rire depuis 16 ans des gens qui vont pas bien du tout dans les hôpitaux partout en France. D'accord. Voilà. D'accord. C'est des portraits en plein lâcher prise. Voilà. D'accord, et ces portraits, donc ça apporte de la bonne humeur. Ils sont affichés dans l'hôpital. Oui. Et c'est patients soignants ou soignants, etc. Et ça fait juste du bien. Voilà. Donc c'est un peu vos travaux proposent comme ça. Ça, c'est un travail très personnel. C'est un projet que je tiens depuis longtemps. Et sinon, j'ai fait des livres photos et des expos et enfin, voilà, beaucoup de magazines. Et voilà. Et on m'a demandé d'être le parrain de ce concours, MN Photo Vidéo. Et on m'a demandé le thème et j'ai dit si on faisait un monde heureux. Ça va très bien avec ce que je fais. En général, on me dit de moi que je suis plutôt optimiste comme photographe. C'est important l'optimisme, apporter un peu on en a tous besoin. Une autre vision dans le monde d'aujourd'hui, c'est clair. Et donc, pourquoi parrainer le concours de MN Photo alors? Alors, tout ça, c'est très naturel parce que moi, je travaille avec Objectif Bastille, qui est une des branches de MN Photo Vidéo depuis plus de 30 ans à Paris. D'accord. Et donc, d'avoir en tant que client. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui est assez connue et mon Instagram aussi. Et sur ma chaîne YouTube, je parle de matériel et aussi surtout d'usage du matériel, l'intention photographique. D'accord. Où j'aborde plein de choses et un de mes partenaires, c'est MN Photo Vidéo. D'accord, MN Photo Vidéo. Parce qu'ils ont aujourd'hui un savoir-faire que je pense qu'il n'y a personne qui a en France, tout simplement. Et c'est des vrais. C'est pas des vendeurs de carton, ils savent de quoi ils parlent. Mmh. D'accord. Non, mais il y a aussi des fois des petits revendeurs de quartier comme Authentic Photo, là, boulevard d'Ossonville. Non, il y a des gens qui font très très bien leur boulot, mais dans une grande chaîne avec des prix compétitifs, je connais pas. Avant, à la Fnac, c'était des gens sérieux. Des aujourd'hui, c'est de plus en plus des vendeurs des de cartes. Commerciaux, ouais. Voilà. Ouais. Donc, chez MN Photo Vidéo, en plus, ils ont réussi à faire un truc incroyable, c'est que c'est des gens qui ont un site internet. Donc c'est le numéro en France. On peut tout trouver parce que c'est pas évident d'avoir tout ce que vous cherchez, vous trouvez quand déjà. Vous cherchez un objectif. Voilà, un objectif et des conseils. Et après il y a des boutiques en dur. Super. Voilà. D'accord, donc l'intérêt pour l'exposition, le fait de parrainer, la joie, la bonne humeur, c'est ce qui vous intéressait. Et rencontrer aussi plein de gens que j'ai ou qui me laissent des commentaires sur vos pages Instagram et surtout sur YouTube. D'accord, on peut peut-être les redonner, votre Insta et votre YouTube. Ouais, c'est facile, hein, David Ken. David Ken, tout simplement. Facile, ouais, K-E-N, comme le mari de Barbie. Et sur YouTube, vous tapez David Ken, photographe. D'accord. Vous avez envie de dire un petit mot personnel? Vous avez regardé un petit peu les photos qui étaient proposées? J'ai fait exprès de rien regarder. Ah oui. parce que y a 24 ou 26 présélectionnés, enfin, je 24, pense. 24. 24 photos. Voilà. Et j'ai voulu rester, c'est le cas de le dire, très objectif. Et il y a trois prix, si je me souviens bien. Il y a le prix, le mien. Dans votre prix à où, vous. Et je vais pouvoir passer 3 heures avec quelqu'un qui va gagner ce prix-là en masterclass à Paris ou en visio à distance pour parler de son travail et voir un peu, pouvoir lui donner des trucs, astuces. C'est ce que je fais dans mes masterclass. D'accord. Et donc le gagnant, au-delà de gagner un prix voilà, financier, il va pouvoir bénéficier voilà, d'une masterclass individualité privée avec voilà, vous. Absolument. Donc ce qui est une vraie opportunité. Et où il va pouvoir me poser vraiment toutes les questions qu'on a toujours voulu poser à quelqu'un qui fait un ce métier depuis 40 ans. Métier, 40 génial, ans. Ouais. Voilà. Ouais. Après, il y a le prix, je pense, avec du Canon à gagner. Ça va être tiré au sort. C'est le prix du, et un prix du public, je crois. Il y a un prix du public. Ça va être le nombre de votes hein, et de votants. Et ça va démarrer ce soir, je pense. Oui. Ça va être déclaré, je ne sais pas quand. Donc ça, j'ai pas l'info. Après l'expo, je crois, dure du 5 au 25 juin. Voilà. Et je pense que c'est tous les votes qu'il y aurait eu pendant cette période. Mais c'est je trouve que c'est une extraordinaire initiative parce que c'est un concours très national. Mm-hmm. C'est pas juste Nancy. Oui, et d'accord. Ils ont reçu, j'ai appris qu'ils avaient presque doublé le nombre de participants par rapport à l'année précédente. Oui, donc oui. C'est très très bien. C'est bien aussi que les gens se mettent à s'évaluer ou voir un peu s'ils sont dans leur regard touche les autres. L'important, c'est l'intention, toujours. C'est ce que je défends. Ça, c'est votre regard de photographe professionnel, c'est vous. Ah, moi, c'est l'intention qui prime. C'est l'intention qui fait votre photo, vous, personnellement. Vous savez, quand vous regardez la photo de quelqu'un, la première chose que vous devez, vous avez ou pas de l'émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, on passe son chemin. Et celui qui l'a fait, pour lui, c'est génial. Mais s'il ne transmet pas quelque chose, une émotion, peut-être il doit avoir sa copie. Donc une photo de soi doit être lisible tout de suite. Mmh. C'est une intention qui compte. Et si l'intention déjà est bonne, après il y a toute la grammaire qui va autour, le cadrage, la lumière, je ne vais pas faire tout un cours aujourd'hui, mais qui fait que ça touche quelqu'un. Voilà, votre intention doit toucher, donc il y a une idée derrière, et ça dit beaucoup de la personne qui est derrière. Mmh. À l'heure de l'IA, par exemple... Je vais vous poser une question sur ce voilà, sujet-là. À l'heure de l'IA, l'IA ne va jamais inventer une émotion. Mmh. Il ne va pas vous donner une spécialité. C'est très beau, c'est bien fait, c'est même trop parfait, mais ce n'est pas quelqu'un... Il manque une sensibilité, on ne va pas retrouver une émotion. C'est le plus important dans la photographie, ce n'est pas le résultat. Ça, c'est l'IA. Le résultat, IA. C'est le chemin pour y arriver. C'est ce qui est le plus important. Pour moi, c'est le chemin. Qui ne pourra pas rejaillir Bonsoir. Avec le cliché. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup. Tout de suite, une pause musicale avec Popcorn Salé de la chanteuse Santa pour retrouver ensuite à nouveau le photographe David Ken pour la présentation de cette exposition. Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. on se regardera dans les yeux. Dire que demain sera mieux, je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez, viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau. Popcorn salé, c'était Santa sur Fadjet. Suite de l'émission, portrait d'artiste. Romain était le jeudi 4 juin au vernissage de l'exposition Un monde heureux en présence du photographe David Ken. Portrait d'artiste sur Fadjet. Le deuxième prix du public, très intéressant. Et à ma grande surprise, ben, c'est le prix du public que j'ai eu. Et quand vous avez un prix du public, ben, c'est vraiment le public. C'est pas des sachants qui sont en train de dire « Tiens, ta photo, elle est bien, elle est pas bien, etc. » Ça sert à rien de dire « Elle est bien, elle est pas bien. » Une photo, ça doit simplement vous toucher au cœur. Donc quand vous la faites, pensez toujours à « Pourquoi je fais ? C'est quoi mon intention ?» Alors, on m'a demandé c'était quoi le thème de ce concours? Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai tout de suite dit à Marie, un monde heureux. Parce que j'en ai marre de que les gens parlent de la pluie, c'est pas ce qui va arrêter. Si vous parlez de la pluie tout le temps, ça va pas aller mieux le lendemain. Donc, un monde heureux. Alors, on a tous ces petits moments heureux. Alors ça peut être le cri d'un gamin qui vient de naître, ça peut être une mamie, etc., etc. Donc c'est les stéréotypes d'un monde heureux, ça touche chacun d'entre vous. Maintenant, il faut trouver une image qui encapsule, c'est ça le concours, directement, premier regard, sans réfléchir, le cadre, la lumière, le sujet, ça c'est un monde heureux. C'est pas facile, alors là il y a 24 images, si je me souviens bien, j'ai pas voulu les regarder avant, donc je suis comme vous, je sais pas. Donc quand on va me demander mon avis, je vais essayer d'être très objectif, c'est le cas de le dire. Donc soyez vraiment rassurés, c'est que même si vous n'êtes pas sélectionné, un, vous avez eu du courage de participer. Deux, j'ai participé à, je pense, 10, 15, 20 concours qu'on m'a demandé. J'en ai gagné un dans ma vie. Donc vous voyez, pourtant ça fait 43 ans que je fais ce métier. Donc ça ne veut rien dire. Essayez d'être vous-même, déjà. C'est un média et un médium incroyable, la photo, la vidéo aussi d'ailleurs. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, par exemple, j'essaie toujours, toujours de pousser l'intention. Sachez pourquoi vous faites des choses. Et vous avez une chance formidable, tous, c'est que quand moi j'ai commencé, il fallait prendre, moi je me souviens, c'était à Bruxelles, vous voyez, un tramway pour aller à la bibliothèque. Que c'était gratuit. Je prenais un livre, il était précieux, on aurait dit un grimoire, c'était Irving Penn, c'était des gens incroyables. Je le ramenais chez moi, il ne fallait pas que je l'abîme, je le lisais et je devais le rendre. Ben aujourd'hui, vous avez ça sur votre écran. Donc achetez des livres de photographes. Ça va les aider déjà, mais ça va vous nourrir. Arrêtez de faire ça. c'est pareil sur Mythique pour ceux qui s'y connaissent, mais, ou Tinder, mais là on parle de photos. Prenez le temps de regarder, de savourer, d'acheter des livres photos, parce que la photo, après, ben vous avez des outils. Alors évidemment, MN Photo Vidéo, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux en France pour acheter ces outils. Vous avez des bons conseillers. Maintenant, ce sont que des outils. Voilà, que vous ayez un petit appareil, un gros appareil, etc. Voilà, adaptez votre outil. Voilà, je ne vais pas la faire trop longue, hein, parce que c'est déjà très long, je trouve. Mais voilà, je voulais vous dire tout ça pour vous dire aussi que profitez bien de ces instants-là quand vous vous retrouvez seul, vous partez avec votre appareil photo ou entre copains, mais vous pouvez prendre du temps pour vous. C'est ça la photographie, la street photographie. C'est pour ça que lorsque je fais des masterclass, que je rencontre, il y en a certains parmi vous, mais on essaye de vivre une expérience ensemble. Et ça, l'IA ne va jamais vous l'apporter. Voilà, on parlait de ça avec monsieur le journaliste là-bas. Et j'ai dit, pas peur de l'IA. L'IA, c'est un résultat. Et ce que vous êtes en train de faire dans ce concours, c'est le chemin pour y arriver. Et c'est beaucoup plus intéressant le chemin que le résultat. Voilà. Merci à tous. Merci.